Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans une autre édition du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante, j'ai eu la chance d'entendre déjà cette émission en rediffusion, puis c'était cher comme émission. Il va y avoir plein de bonnes musiques. On a reçu des tonnes et des tonnes de disques, tellement qu'on a dû faire un genre de petit pré-filtrage, donc on va entendre la première partie de la pile qu'on a reçue aujourd'hui. Non, on en a tellement, ça n'a même pas d'allure l'automne, comme on reçoit beaucoup de disques assez fous. On va commencer avec quelque chose qui m'intrigue, la pochette a des symboles de laveuse sécheuse dessus, là, un peu comme on retrouve sur les vêtements. Ça s'appelle Automélodie, l'album est Buanderie Jazz, et tout de suite, voici la première pièce de l'album. Au 89.1 FM, c'est fou ça! Plaisir simple, non nuel. Rien à rajouter sur les jours légers qui tournent et fous plus grands comme des feuilles puissants et les jeunes filles dans le vent. Mais moi j'ai la tête lourde et si tu cherches, tu me trouveras en la vraie jazz. Rue du Progrès 623, du Henri Jazz. À moins que Montréal ne s'éloigne, puis André Jazz. Pour te souvenir qu'il s'efface pas, puis André Jazz. De nos jours, on se protège comme on peut. Dans un sèche-linge, j'ai caché mon cœur. S'arrêter ici, j'en ai bien peur. Et nos lettres sont flammées dans la lessive, on va faire l'enfer. Quoi, je l'ai pas fait exprès, mais si tu cherches, tu me trouveras en la vraie jazz. Rue du Progrès 623, puis en vraie jazz. À moins que Montréal ne se noie, puis en vraie jazz. Pour ton souvenir qui ne s'efface pas, du André Jazz. Rien à retenir, sauf les soupirs sur notre histoire abandonnée dans le vide. Suspendu comme les orphelines, comme des guirlandes dans la vitrine. Ça amuse les touristes qui viennent me rappeler que ma vie n'est qu'un autre. Un badge, un foulard, une larme, hypochlorite sur ton slim jean. Oh, si tu cherches, tu me trouveras en la vraie jazz. Rue du Progrès 623, puis en vraie jazz. À moins que Montréal ne se noie, puis en vraie jazz. Elle me demande surtout pas ce qu'elle a de jazz. Même tu reviendras en la vraie jazz. S'il est trop tard, tant pis pour moi, lui en vraie jazz. Et quand tu réussiras sans moi, je le saurai pas. Quand tu oublieras tout de moi, je le saurai pas. Si tu cherches lui en vraie jazz. Yeah. Automélodie avec Buanderie Jazz dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Automélodie, c'est le principal projet musical du chanteur et producteur Xavier Paradis. Le micro dans une main et à cheval sur un sampler. Il s'est entouré de Patrick Gosselin à la guitare et de Guillaume Etier au synthé et percussion. Xavier est aussi actif comme claviériste pour le groupe Plaza Music et ancien leader de la formation Echo Kitty qui existait entre 2000 et 2006. Deuxième simple officiel d'Automélodie, Buanderie Jazz révèle la tendance du groupe à aimer brouiller les frontières entre les sonorités électroniques et primitives de Xavier et l'instrumentation électro-acoustique de Guillaume et Patrick. Depuis l'apparition d'un premier simple radio, rentré 3007, oui, il y a un an, le trio a eu l'occasion d'enregistrer un maxi qui, selon les circonstances, pourrait paraître sous peu ou bien s'enfermer quelques mois de plus en studio afin de devenir un album. Il est à noter que Guillaume Etier est également batteur et multi-instrumentiste au sein de Plaza Music, pour qui Xavier Paradis a assumé la production de l'album L'Amour et l'Occident en 2006. Xavier a aussi collaboré avec Patrick Gosselin en effectuant récemment le mixage d'un maxi pour son projet Le Couleur. Toutes ces heures passées en studio ont rendu Automélodie plutôt rare sur scène depuis le début de l'année, mais le groupe devrait réapparaître bientôt sous la lumière des projecteurs, notamment grâce à une prestation dans le cadre du Festival Pop Montréal du 1er au 5 octobre 2008. Date précise à confirmer. Si vous aimez la musique d'Automélodie et leur pièce Buanderie Jazz, rendez-vous au myspace.com/Automélodie sans le E, Automélodie. Ou passez par le site de l'émission au www.unechance.com. Vous allez retrouver tous les liens et la balado-diffusion à chaque semaine. On passe à un groupe canadien. Ça s'appelle Wood Pigeon Treasury Library Canada. Et tout de suite, voici la première pièce de l'album. Elle s'appelle Knock Knock et on parlera de plus tard dans le poste d'écoute parce qu'on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble. Au 89.1 FM, c'est votre Radio Campus à Trois-Rivières. I love you. le poste d'écoute. Through the curtain. be mine, cause it's always like it before. I write it, and everything that comes, it comes for you. And when they decide it, I know I'm far behind the ones I've lost and all the ones I've got. Pigeon avec la pièce In the Battle of Sun vs. Curtains, Sun Loses and We Sleep Until Noon, précédé de Piano Pieces for Adult Beginners. Et la première pièce était Knock Knock. C'est de leur album Treasury Library Canada. J'ai absolument adoré ça. Je trouve ça génial. C'est fantastique. Wood Pigeon, un groupe indie alternatif pop de Calgary en Alberta. Allez voir myspace.com/Wood Pigeon ou encore Wood Pigeon, trait d'union, songbook.com. Ils disent Ripping Pages from the Songbook. Mark Hamilton, Canaburima, Michael Grattan, Annalie Sordi, Darren Powell, Peter Morsch, Funyap et AJ Benoit. Il y a plein d'autres gens aussi. Leur page MySpace a beaucoup de renseignements sur le groupe, donc allez voir ça. Et j'aime beaucoup ça. Leur album s'appelle Treasure Library Canada et c'est sorti au début du mois d'août. On vient de le recevoir ici, assez fou. Ils en ont fait seulement 1000. Il va falloir aller voir sur leur site ou via junior.com si vous voulez l'acheter. De toute façon, vous pouvez écouter des pièces sur MySpace. La technologie, on aime ça, nous autres, la technologie? Réponse égale oui. On continue avec du francophone. On retourne au francophone pour aller entendre quelque chose de mais complètement différent par rapport à Wood Pigeon. C'est du rap. On s'en va entendre Kodiak avec l'album La Mécanique. Voici Réverbère tout de suite. Dans Je passe d'écoute. On découvre les nouveautés tous ensemble pour la première fois au 89.fm. Et on court tous pour y arriver, on court tous pour y arriver, on court tous pour y arriver, on court tous pour. Sous le regard des réverbères, la ville s'anime et d'un pas pervers, son gouffre s'enfonce dans ses artères, des hommes et des femmes qui ne sourient guère. Cette mer de monde et sa peine dépeigne une toile trop triste de vie malsaine, un travail de malheur pour atteindre le bonheur, on s'essouffle et s'énerve pour arriver à l'heure. Trop tard, elle est déjà passée, la seconde qui seconde ne sera pas rattrapée. Trop tard, elle est déjà passée, la seconde qui seconde est déjà terminée. Et on court tous pour y arriver, on court tous pour y arriver, on court tous pour y arriver, et on court tous pour. Faut jogger, faut jogger, faut jogger, faut jogger, faut jogger, faut jogger. La terre s'assèche et on manque d'eau potable. Tu regardes ta montre et les minutes qui tombent, et tu comptes les comptes qui comptent, mais ne compte pas sur eux pour t'éviter la tombe. Trop tard, elle est déjà passée, la seconde qui seconde ne sera pas rattrapée. Trop tard, elle est déjà passée, la seconde qui seconde est déjà terminée. Et on court tous pour y arriver, on court tous pour y arriver, on court tous pour y arriver, et on court. Sachant bien que l'on pourra jamais le caresser, on économise et économise et économise sans jamais vraiment en avoir assez. Entassé dans des bus, on s'encrasse et déguste cette fin imminente, roulant vers le terminus. C'est cette roue qui nous roule, la routine, la routine, celle qui dicte la voie, cette voix qui déprime. Trop tard, elle est déjà passée, la seconde qui seconde ne sera pas rattrapée. Trop tard, elle est déjà passée, la seconde. récompense ou rarement dans ma direction. Je porte plainte à la direction. Je mérite de l'avancement ou du moins une augmentation. Toujours pris dans cet éternel recommencement, c'est mortel. J'aurais besoin d'espace afin de mieux déployer mes ailes. Encore une situation instable, inconfort insupportable. Toujours en train à des changements de tempérament notable. Elle me coupe l'herbe sous le pied, m'empêche de me relever, me toque. Je vais aller me saouler. Je suis plus responsable de mes actes. Oh ça y est, j'en ai ma claque. Suis-je le seul sur cette planète à se faire arnaquer like that? On me tue, on m'écarte, on me trompe, on me trappe. On me bloque, me stoppe, me cote, se moque, m'empêche et me craque, me barre et me traque. Je tourne à droite, constate que je tourne à gauche. Tant d'obstacles s'interposent entre tous mes objectifs qui causent que je tourne à gauche. Je constate que je tourne à droite, c'est trop plat, mes nerfs craquent. Devais-je un jour finir par faire quelque chose? Devais-je un jour finir par faire quelque chose? Devais-je un jour finir par faire quelque chose? Devais-je un jour finir par faire quelque chose? J'ai toujours l'étrange impression d'avancer à reculons, comme si chaque pas en avant me menait de deux en arrière. Même quand je me fixe des objectifs, c'est dur de rester objectif. Je crois que ma chance est sous sédatif, je me dois de rester proactif. Alors je ne compte plus sur personne, faut que je défriche et tronçonne cette forêt d'obstacles qui m'écarte et qui m'abandonne. Je dois me grouiller, rester focusé, afin de mener ma barque à bon port et paisiblement m'accoster. Je tourne à droite, constate que je tourne à gauche. Tant d'obstacles s'interposent entre tous mes objectifs qui causent que je tourne à gauche. Je constate que je tourne à droite, c'est trop plat. Mes nerfs craquent, ne vais-je un jour finir par faire quelque chose? Constate que je tourne à gauche. Tant d'obstacles s'interposent entre tous mes objectifs qui causent que je tourne à gauche. Je constate que je tourne à droite, c'est trop plat. Devais-je un jour finir par faire quelque chose? Devais-je un jour finir par faire quelque chose? Devais-je un jour finir par faire quelque chose? Devais-je un jour finir par faire quelque chose? Devais-je un jour finir? Devais-je un jour finir par faire quelque chose? Devais-je un jour finir par faire quelque chose? Devais-je un jour finir par faire quelque chose? Le poste d'écoute. Confiné dans un monde où tes semblables te laissent à l'ombre, isolé dans cette foule d'insouciants qui te surplombe, qu'est-ce que tu donnerais pour enfin te faire comprendre? Qu'est-ce que tu ferais pour pouvoir te faire entendre ce que t'aimerais? Leur faire voir ce monde à travers tes yeux, leur montrer ce qui te consume comme le feu. Tu les observes, observe, d'en dessous du nuage, et comme toujours ils t'ignorent, laissés pour mort tel un cadavre. C'est un fiasco. C'est un fiasco. Wow. C'est un fiasco. C'est un fiasco. Wow. Jeune entrepreneur avec charisme et caractère, et après sa graduation s'est lancé tout de suite en affaires. Toujours à l'affût d'un jus de bénéfice à faire, à renflouer ses coffres stratégiquement il s'affaire. Prêt à tout pour des revenus supplémentaires, détourne quelques sommes vers ses excédentaires, mêlé malgré lui dans quelques transactions douteuses, vers sa femme et sa maison, son chien et sa tondeuse. C'est un fiasco. C'est un fiasco, oh. C'est un fiasco. C'est un fiasco, oh. C'est un fiasco. C'est un fiasco. C'est un fiasco. Toujours. Oh. C'est un fiasco. C'est un fiasco. C'est un fiasco. Toujours. Oh. Grande et séduisante. intéressante, le genre de fille entreprenante qui se croit conséquemment tout permis. Elle obtient ce qu'elle désire en opérant tel un vampire qui traîne tour à tour ses victimes dans le lit. Bien populaire auprès des hommes qui tel un objet la consomme. Cela coule douce pour un instant, mais à quel prix? La sulfureuse concubine ne compte plus ce qu'elle contamine. Aujourd'hui seule avec son corps qui dépérit. C'est un fiasco. C'est un fiasco. Wow. C'est un fiasco. C'est un fiasco. Wow. C'est un fiasco. Tu vois, c'est ça, on prend toujours la peine. Toujours. Le coup, c'est un fiasco. Tu vois, c'est ça, on prend toujours la peine. C'est un fiasco. Toujours. Le coup, c'est un fiasco. Tu vois, c'est ça, on prend toujours la peine. Kodiak et la pièce Bombay ou Fiasco. Comme, ben oui, Fiasco. Ça, c'est le fun quand les artistes mettent une intro sur leur album, mais comptent pas dans les chiffres des pièces. Enfin bon. Donc, Fiasco précédé de Angle Mort et de Réverbère. C'est des, en fait, 4 premières pièces avec l'intro, mais ça compte pour 3, apparemment. L'album s'appelle La Mécanique. C'est du Root Music, de la Root Music Rock Rap de Montréal. La Mécanique de Kodiak est en magasin aujourd'hui. Le lancement va être le 4 septembre au Savoie. Au du Métropolis à Montréal. Et puis le 9 septembre à 20h, il va y avoir Kodiak et Caracol au 400e de Québec, à la ville de Québec. François Grégoire au chant, Jonathan Gauthier à la basse, Maxime Bien à la batterie, Félix Couturier à la guitare, Mélissa Mathieu, voix et cœur, et Valérie Dor, voix et cœur. KodiakLive.com ou encore MySpace.com/ Kodiak Live. Voilà, donc allez vous renseigner là-dessus. C'est bien, j'aime ça. Quand j'ai vu l'étiquette rap, j'avais un petit peu peur. En fin de compte, le rap est très, très, je dirais, secondaire au reste de la musique selon ce que j'ai entendu des premières pièces. On retourne aux Canadiens pour aller entendre une formation qui nous vient de Vancouver, en Colombie-Britannique. C'est Bishop and Mulholland. Voici leur album Essays and Ear Candy. Et la pièce Micro Romance, ça commence tout de suite dans le Poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble. C'est notre Radio Campus de Trois-Rivières qu'on appelle C'est Fou 89.1 FM. She gets caught, get by breastings, but you go by and take it in by the spot. You traded happiness for a blown and burned the hard way. What was never done? It just what's on the table. But what's up? I've had enough of this micro romance. Well, love's the end, it's worth the fight. But all you know is change your mind. That heartache should be your sign. Well, maybe you'll see what you're blind. What you're looking for, fix bliss. That choice will dictate your pick. Your best red cap ball, even death of kiss. I've had enough of this micro romance. How will you please without loyalties? How will you bend a knee sense of chivalry, oh, when the future is now, but you've never known about how to keep our near will require your blood and your sweat and your tears, but you never failed a sacrifice, just free of your soul, it's God's advice, practice your love and keep yourself soft like a gentleman. When the gloves come off, every woman needs sacrifice. So don't let it down, don't let it down now. Every woman needs sacrifice. So don't let it down, don't let it down. Every woman needs sacrifice. So don't let it down, don't let it down now. poste d'écoute. Shallow graves, hold deepest treasure. It's worth the fighting for all my pleasure. Spring up, oh well, release the pressure. Fountain of youth, I want to live forever. Ooh, my body's a haven of unrest. This commission is set. This captain is bent on a mission, a vision, it's different. I'm driven, I'm driven, I'm driven. So I seek out, looking for what is above. So I seek out, looking for. So I seek out, looking for what is above. So I seek out, looking for what is yours. Frantic search for gold. 3 days through a dangerous trade I'm told. 3 days to live the moon be. That's what you want from me. Then one day, day four will wash over me. Ooh, this ship is a haven of unrest. Ooh, this governor's commission is set. What do you see? Look down. Look down. Am I buried? Am I treasured? Was it worth it for all this pleasure? Who am I to think that I could make you move with me? Who am I to think that the soul reach your feet? I'm just a brother who's been given a few minutes upon this mic, so we'll give it a try. Bring you something that you might like. So whether it's straight off the cuff or your steps are smooth or rough, but don't matter, cause here's your chance to strut your stuff. This energy's got you off of your seat. Electricity calls it find those nice things you said. Let's just move on ahead. So follow me down this yellow brick road to a place that I know that'll rock your soul. Well, it will be better if we go together. We can dance forever when we get there. This energy's got you off of your seat. Electricity pulsing through your feet. Oh, let the emotion carry you through your steps. Thank you for moving. This energy's got you off of your seat. Electricity pulsing through your feet. Oh, let the emotion carry you through your steps. Thank you for moving. Bishop and Mulholland avec la pièce Thank You for Moving, précédée de Seeker et de Micro Romance, c'est bien de leur nouvel album Essays and Ear Candy dans le poste d'écoute. Bishop and Mulholland qui est de l'électropop soul de Vancouver en Colombie-Britannique. Allez voir bishopandmulholland.com ou encore myspace.com/bishopmulholland, donc sans le end. C'est même pas un groupe, c'est juste une personne, apparemment Paul Dirks, qui est influencé par The Four Tops, Technotronic, Michael Jackson et plusieurs autres. Ça dit dans sa biographie sur MySpace qu'il devrait, si tout va bien, là, ramener la musique électronique et dans le mainstream, pour les gens qui aiment le pop, avec son genre d'électro-soul pop catchy, donc accrocheur. Mm-hmm. C'est un producteur et vocaliste, Paul Dirks. Voilà. On passe à un autre album canadien, ça va être celui de Young Rival, qui est éponyme ou homonyme, ou en tout cas le nom de l'album est le même que le groupe. Voici leur pièce Your Island dans le poste d'écoute. On découvre des nouveautés musicales tous ensemble au 89.1 FM, c'est fou ça! Yeah. La formation Young Rival dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Mais si vous voulez plus d'informations, c'est youngrival.com. Je vais vous laisser aller voir le site de l'émission aussi au www.unechance.com. Mais pour vous dire qu'on a entendu les trois premières pièces, Your Island, Poisonous Moves et 4 minutes 15 seconds. Ça va être à la fin de la première heure du poste d'écoute. Dans la deuxième, il va y avoir entre autres du jazz. Non, oui, ben du jazz, oui. Oui, du jazz et du francophone. Puis d'autres affaires super le fun. Hein? C'est comme ça qu'on fait ça ici. On va terminer la première heure pour les gens qui écoutent la rediffusion avec Josephine Biondo. L'album s'appelle Let There Be Love. Ceux qui écoutaient en direct le vendredi matin, vous allez entendre seulement un extrait de la première pièce qui s'appelle Meglio Stasera et That Better Be Tonight. Les autres entendront les pièces My Darling Daughter et peut-être même Let There Be Love. Donc, ben, restez avec nous. Puis, les gens du Vendredi Saint vont entendre les nouvelles de Radio-Canada, www.unechance.com pour télécharger la balado diffusion de l'émission et pour voir tous les liens de tous les artistes qu'on a écoutés aujourd'hui et puis dans les émissions passées. Il y en a eu beaucoup d'émissions du poste d'écoute jusqu'à maintenant. Ça va très, très bien. Donc, c'est ça. Ben, restez avec nous. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire, en fait, quand on y pense. C'est vrai. or have a lover, for they hold each other tight. But I warn you, sweet Paisano, it had better be tonight. It had better be tonight. Meglio stasera, baby. Yes, my darling daughter. Mother, may I try romancing? Yes, my darling daughter. What if there's a moon, mama darling, and it's shining on the water? Mother, what should be my answer? Yes, my darling daughter. What if he'll propose, mama darling, when the night is growing shorter? Mother, what should be my answer? Yes, my darling daughter. You should insist on one embrace. Mama, how can I keep him in his place if his manner becomes a shade improper? Mama, must I keep on dancing? Yes, my darling daughter. What if he'll persist, mama darling, doing things he had in order? Mama, what should be my answer? Mama, how could I keep him in his place if his manner becomes a shade improper? Mama, must I keep on dancing? Yes, my darling daughter. What if he'll persist, mama darling, doing things he had in order? Mama, what should be my answer? Bonjour, c'est la deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure encore, beaucoup de variétés. On entend tantôt du Ian Kelly avec son nouvel album Speak Your Mind. On va aussi parler de jogging. Quelque chose avec du jogging. On commence avec du francophone, c'est Beta avec son album Les Lucioles. À l'instant même, voici la pièce titre précédée de l'introduction au 89.1 FM. C'est votre radio campus. C'est fou ça! Tellement fou! C'est fou! En parfaite opposition à la vanité humano-centrique, la Luciole est le plus brillant spécimen de la biosphère terrestre, ainsi que le meilleur régulateur de circulation aérienne nocturne. Pendant la saison des amours, le rituel de séduction des Lucioles se somme essentiellement en une phase de drague, où le jeune mâle allume la femelle par signaux lumineux phéromonaux. La femelle tergiverse, marquant une phase de fausse mauvaise volonté, et se fait alors dûment niquer. La Luciole utilise ses signaux lumineux pour attirer son partenaire. La femelle doit pour ainsi dire exécuter une danse pour se contorsionner et s'assurer que le mâle, du haut des airs, verra ses appels amoureux lumineux. Le mâle, qui est justement en train de draguer, lui répond en émettant lui aussi le même code. Chaque espèce a son propre code de signaux, le nombre, la séquence et la couleur. Il faut être certain d'attirer le partenaire de son espèce et d'éviter les mauvaises rencontres. La femelle lui répond à son tour, et si leurs codes correspondent, ils se dirigent alors tout feu tout flamme vers sa dulcinée. Mais prudence, certaines femelles du genre Futuris imitent le code d'autres espèces femelles. Lorsque l'amoureux éperdu approche, il est alors dévoré par cette mangeuse de mâle. Dans une danse fumée blanche, tu te déhanches. Tu te déhanches comme si t'avais ta revanche. Ton regard vicieux et tes cheveux longs, ça met le feu dans mes yeux, mais je tiens bon. Tu te déhanches et tu m'allumes, et à coup sur moi je flanche. Sur tes hanches, tu vêtu ses plus beaux atouts. J'écoutais ton souffle tout dans mon cou. Les heures passaient comme des fusées et nos âmes se sont touchées. Oh, je dis karaoké. Il pleuvait des étoiles, tu t'es mis à chanter. Les idées en bataille, comme si le temps s'était fini. Je sais, la nuit fut que trop près. L'autre jour se lève, Anastasia. Avec la pièce Moscou Karaoke précédée de Les Lucioles et de l'intro du disque. C'est très très bon ça, j'ai bien aimé Beta. C'est dans le fond un album qui sort en septembre 2008, il vient de Montréal. Il se décrit comme étant du rock pop. Moi j'ai trouvé que ça ressemblait pas mal à Robopop dans le temps, c'était très bon, j'adorais Robopop. Je les aime encore d'ailleurs. Beta, traduction Luciole au pluriel.com ou encore myspace.com/Beta Montréal. Il dit dans sa biographie dure à lire sur son MySpace rempli de couleurs. Alors que certains se laissent décliner par leurs états d'âme, Jean-François Dufresne, aka Beta, s'est laissé insuffler par celle-ci et de ce souffle est né un album sensible et personnel d'où émanent des mélodies accrocheuses et une énergie électro-rock contagieuse. Les Lucioles est le titre de son album à paraître en septembre prochain. Avec ce premier album, l'auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste nous expose son univers complexe en nous entraînant dans des zones d'ombre, des noirceur et de luminosité. Laissez-vous charmer par Beta. Son inspiration est inépuisable, tout comme son énergie est contagieuse. C'est rempli de compliments. Son but, conquérir la Voie lactée et faire danser les Lucioles. You should create your own MySpace layout. Hein, Danny? Oui, you should. MySpace.com/Beta Montréal et Beta-Lucioles.com. J'aime ça quand les gens laissent les messages de pub de leur changement de look sur MySpace dans leur texte. C'est beau à voir. La voix que vous entendez, voix très sexy et virile, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas entendue. Si vous l'avez déjà entendue, c'est celle de Danny Janvier et son bloc Fidèle au poste. Bonjour, Danny. Salut, Mathieu. Ça fait longtemps, certain. Ça fait depuis le mois de... Depuis plus que ça. De quinquinclin. Plus que ça, même. C'est quoi le mois que Homer voulait créer, les Simpsons? C'est ça, un 8e jour de la semaine ou un 13e mois? Ouais. Smarch. Le mois de Smarch. C'était beau. Donc, depuis le mois de Smart, on s'était pas parlé. Ça fait très longtemps. Donc, tu viens nous parler de tes jogging, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Je m'en viens vous parler d'une découverte qui est pas seulement musicale, mais une rencontre, finalement, que j'ai eue cet été avec Gilles Jogging. Eh bien, oui, c'est hurluberlu. Gilles Jogging, eh bien, c'est un mec de Strasbourg que j'ai rencontré lors d'un kino cabaret à Bruxelles depuis là, 2-3 semaines. Et puis, après une projection, il faisait un spectacle avec juste lui et accompagné de la cornemuse par Monsieur Yves, je sais plus trop qui, je vais te le dire tantôt. Et puis, c'est hallucinant. Au début, je voyais arriver ça, ça ressemblait à de la chanson française. T'sais, au premier abord, accordéon, chanteur, ça fait très classique. Et le gars arrive justement sur le stage en jogging. Et puis, il se met à délirer. C'est complètement loufoque. Et puis, c'est un mélange de d'influence. Et là, moi, j'ai bien aimé ça. J'étais allé voir le gars, je lui disais, je travaille à la radio au Québec, tout ça. J'ai dit, j'aimerais ça que tu me passes un CD, je vais faire découvrir ça aux Québécois. Et puis là, ben, ça lui a fait plaisir. Et quand j'ai écouté l'album, moi, je m'attendais encore à de la chanson avec de l'accordéon. Eh ben non, il y a plein de beats, il y a plein de rythmes, il y a plein de trucs vraiment différents. C'est un genre de musette, c'est le côté accordéon, ouais. Hip-hop, punk, bossa nova, techno, c'est un gros mélange, mais toujours cheap. Mais voulu cheap. Oui, voulu cheap et kitsch. Comme dirait lui, c'est une énergie garantie à 100% de jogging, mais toujours 0% sport. Donc, on va écouter justement la pièce qui présente le personnage qui s'appelle l'effet jogging de Gilles Jogging. Et puis, écoutez bien, genre dans les premières phrases, à un moment donné, il y a tellement de textes, les textes sont tellement savoureux. À un moment donné, il dit, après Grand Corps Malade, on connaît Grand Corps Malade, il dit, voici Gros Corps en forme. Et des trucs comme ça, il y en a sans arrêt. Donc, on va écouter la première, l'effet jogging. Et puis, Mathieu, s'il me le permet, ben, on va en faire jouer peut-être deux autres petites un petit peu plus tard, après. Ma générosité aujourd'hui sera sans limite. Ouais, c'est ça. Vous êtes au poste d'écoute au 89.1. FM. Est-ce que vous aimez le jogging? Ouais. Ouais. Est-ce que vous aimez le jogging? Ouais. Ouais. Ouais. Alors c'est parti. Salut, je suis Gilles Jogging, en chair et en jogging. 100% jogging et 0% sport. Après Grand Corps Malade, voici Gros Corps en forme. Si tu es trop stressé, mal dans ta peau, que tu traînes ta misère, alors change de CD car j'ai rien à te raconter. Et si tu viens en jogging à mon concert, sache que tu pourras rentrer. Ah, les chaussures de ville et le jean, c'est pas possible, hein. Tu reviendras quand tu seras en jogging, hein. C'est l'effet jogging. Du lundi au dimanche, en été, en hiver, de jour comme de nuit, c'est l'effet jogging. 100% coton qui rentre dans la vie, 100% synthétique, c'est l'effet jogging. C'est vrai que c'est agréable à porter, hein. Il fait cet effet là, ouh là là, c'est l'effet jogging. C'est l'heure de la révolution du jogging. Hey, hey. Tu te souviens sans doute pas de moi, mais j'étais là dans une de tes soirées. Tu te souviens sans doute pas de moi, mais j'étais là à t'écouter parler des heures et des heures de toi. Tu te souviens pas de moi, mais j'étais là quand tu faisais le cake et le one again en face de moi. Alors du fond du cœur je te remercie, car si cet album existe, c'est un peu grâce à toi. Alors si tu te reconnais dans mes textes, faut pas que tu te vexes, mais jette ta cravate, ton jean et ton smoking, et viens nous rejoindre avec ton jogging. C'est l'effet jogging. Du lundi au dimanche, en été, en hiver, de jour comme de nuit, c'est l'effet jogging. 100% coton qui rentre dans la vie, 100% synthétique, c'est l'effet jogging. C'est vrai que c'est agréable à porter, qui fait cet effet là, ouh là là, c'est l'effet jogging. C'est l'heure de la révolution du jogging, ouh là là. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Il est là, il est là. Il est là, il arrive. Ouh là là, c'est l'effet jogging. Du lundi au dimanche, en été, en hiver, de jour comme de nuit, c'est l'effet jogging. 100% coton qui rentre dans la vie, ou 100% synthétique, c'est l'effet jogging. C'est vrai que c'est agréable à porter, hein. Il fait cet effet là, ouh là là, c'est l'effet jogging. C'est l'heure de la révolution jogging, ouh là là. Salut, je suis Gilles Jogging. Et toi? Et toi? Donc c'était Gilles Jogging avec l'effet jogging qui présente le personnage. Et puis juste pour vous dire, il y a les thèmes sont savoureux. La pièce 2 nous parle de Joe Dassin, que malgré la technologie et tout ce qu'il y a de nouveau, ça nous ramènera pas Joe Dassin. Un de mes amis durant le Kino Cabaret a fait une vidéo qui a été en première position pendant 2 semaines sur Dailymotion quand même. Oh. Assez fort. Il y a Soir et filles, il parle d'une histoire de, tu sais, quand les filles se font une soirée de filles, là, uh-huh. Puis là, ils se louent des films, ils se racontent des histoires. Ils se font d'amour, des batailles d'oreiller. Ils se font des batailles d'oreiller. Ils se maquillent, etc. on nous parle aussi dans son loft. Ça, il parle un peu du gars fraîchier qui a un loft trop grand, mais qui a pas d'amis qui pour venir le voir. Oh. On a un truc aussi qui parle de des genres de pseudo-hippies qui se prennent pour des artistes, mais qui n'ont jamais rien fait de leur vie. On parle, la pièce qu'on va écouter tout de suite, « Je ne rentre pas seul ». Ça, cette pièce-là, c'est un peu comme RBO avait fait ça là, avec une histoire d'un con qui essaie de rentrer dans un bar. Je me rappelle plus c'était quoi, donc c'est Ah, c'est le titre m'échappe, mais en tout cas, c'est vraiment le gars que lui décide que ce soir là, peu importe. Ah, c'était Arrête de boire, je pense, okay. La pièce. Ce soir, il rentre pas seul. Tonight is the night. Exactement. Tonight is the night. C'est, ça explique exactement la chanson. On va l'écouter tout de suite. Et ensuite, on va écouter Fumeur romantique, qui est une belle chanson d'amour de Gilles Jogging. Au poste d'écoute, au 89.1. C'est fou, ça. Ça tourne des nights, les strobos claquent, la boîte est pleine, l'odeur de sexe m'excite, j'enchaîne les vodka pommes sur un rythme frénétique, j'attends ma proie au bar dans l'ombre. Ce soir c'est promis, c'est juré, je rentre pas seul. Je rentre pas seul. L'heure tourne, c'est chaud pour moi, costume à paillettes bleues. Attention, j'entre sur la piste. Je me chauffe très vite sur un petit disco. Roulé boulé 360, retourné, suivi d'un grand écart facial. Ça y est, je crois que tout le monde m'a remarqué. Surtout la blonde au fond du canapé. Elle est pour moi, je vais la serrer. Je m'approche d'elle d'une façon classe et distinguée. Je la regarde dans les yeux et je lui balance. Tu sais, t'es bonne, je vais te déglinguer. Elle me dit, tu craques ou quoi? T'as vu ta gueule? Je pars comme un prince, espèce de conne. De toute façon, ce soir c'est promis, c'est juré. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Alors comme je manque grave d'imagination, je me suis dit que brancher la serveuse, c'était peut-être une solution. Je m'approche du comptoir, l'air sérieux et détaché, et je lui balance. Tu sais, t'es bonne, je vais te déglinguer. Encore loupé, c'était la meuf du videur, il me l'a fait comprendre. À coups de poing dans la gueule, je ressors des chiottes en sang. Mais de toute façon, je m'en fous. Ce soir, c'est promis, c'est juré. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Putain, j'en ai plein le cul, c'est trop dur de plaire. De toute façon, elles savent pas ce qu'elles perdent. Eh bien, tant pis pour elles. Attention, attention. D'un coup, l'ambiance devient hystérique. Le DJ annonce le dernier morceau, un remix de Bernard Ménez, le tube Jolie Poupée, version techno. Ça c'est un signe, ça peut pas tromper. C'est la dernière, je vais mettre le paquet. J'enchaîne les figures, j'occupe toute la piste. Je sue, je me donne à fond, ça va marcher. Le morceau s'arrête. Tout le monde est déjà parti, mais je sens un regard sexy posé sur mon body. Je me retourne et j'ai compris. Elle me sourit et je vois son appareil dentaire briller dans la nuit. C'est vrai qu'elle n'est pas vraiment mon type. Elle a l'air un peu vulgaire et y a plus qu'elle au vestiaire. Alors super, hein. Je m'approche d'elle en titubant et je lui balance. Tu sais, cocotte, je crois que t'es l'amour de ma vie. N'importe quoi. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Je rentre pas seul. Le poste d'écoute. Mon dealer, il a toujours ce qu'il faut pour moi. De jour comme de nuit, je l'appelle à n'importe quelle heure. Mon dealer, c'est un mec sympa. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. J'arrive, j'arrive. Quand je commence à plus dormir la nuit, que j'ai des sueurs, que je panique, que je tourne en rond, que j'ai cherché partout 20 fois dans les mêmes endroits et même sous les meubles, ah, c'est bon. Sûr, j'en ai plus. Alors je prends mon téléphone et j'entends sa voix douce et rauque, et d'un air honteux et timide, je lui propose que l'on se voit. Mais j'ai l'espoir, même si je ne connais pas son vrai prénom, j'ai confiance en lui, en espérant qu'il aura un peu de temps à m'accorder. C'est possible dans une heure. Mon dealer, il a toujours ce qu'il faut pour moi. De jour comme de nuit, je l'appelle à n'importe quelle heure. Tu vois quoi? Mon dealer, c'est un mec sympa, il est toujours là quand j'ai besoin de lui. J'arrive. Alors parfois je lui fais des infidélités. J'ai tort, je sais, je vais voir ailleurs. Mais souvent je suis déçu, c'est trop petit ou trop léger. J'ai l'impression de m'être fait voler. Ouais. Encore un plan galère, mais l'essentiel c'est de m'être approvisionné. Mais je prends beaucoup de risques pour ce petit vice. Et je me dis que si j'avais un penchant pour l'alcool, et qu'au lieu d'être un fumeur romantique, je pourrais acheter ma drogue dure en liberté dans mon hypermarché, chez Auchan ou Leclerc. Mon dealer, il a toujours ce qu'il faut pour moi, de jour comme de nuit, je l'appelle à n'importe quelle heure. Mon dealer, c'est un mec sympa, il est toujours là quand j'ai besoin de lui. J'arrive. Et le soir, hyper stressé par ma routine, en roulant, je me dis que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mon dealer, il a toujours ce qu'il faut pour moi, de jour comme de nuit, je l'appelle à n'importe quelle heure. Mon dealer, c'est un mec sympa, il est toujours là quand j'ai besoin de lui. J'arrive. Mais qu'est-ce que je ferais? Hein? C'est une belle histoire d'amour. J'ai quelque chose dans l'œil. Ben, c'est un jogging. C'est juste trop cute comme histoire. Donc, c'était Gilles Jogging, Mathieu, que je t'ai fait découvrir en même temps qu'à nos auditeurs. C'est une très belle découverte, ça, Danny. C'est en chair et en jogging. Bien sûr, en ce moment, impossible à trouver dans aucun magasin au Québec. Par contre, allez sur le MySpace, faites Gilles Jogging dans Google. Vous allez tomber tout de suite dessus. Sur sa craque. Oui, sur sa craque de fesses. Et à noter, Gilles, c'est G-I-L. Oui, c'est pas G-I-L-E-S. Donc, et il y a plein de vidéos assez intéressantes. Et je pense que l'album est presque au complet sur le MySpace. En tout cas, les pièces qu'on a fait jouer sont là. Et puis, sinon, écoutez, c'est fou. Peut-être que ça rejouera si le directeur de la programmation a trouvé ça quand même acceptable. On va faire notre propagande pour essayer de rentrer ça dans la craque du palmarès. Ben, ça serait drôle. On aimerait bien ça. C'est cool. Gilles Jogging, merci, Danny. Yes. C'était son bloc fidèle au poste. Nous, on continue avec Ian Kelly, un artiste canadien. Son album s'appelle Speaker Mind. Et voici Wiser Man dans le poste d'écoute parce qu'on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Achevez-vous. I can't take it anymore. I can't see an end to this. Pills and mornings, my baby slamming the door. She can't take it anymore. She is leaving with the kids. I used to have ideas and brain. Storm. My head above the water, but now it just appears that the rainstorm has overdrawn the river. Optimism, the credit prison is full, going overboard, the chances that I've to have ideas, not brainstorms. My head above the water, but now it just appears that the rainstorms have overgrown the river. Baby, such a lonely game. As powerful as they may be, won't take. There's a part of me that's made entirely of generosity. Can I be a better man? Can I go to war and make them understand? What's the use in generosity if I just keep it all for me? Can I talk sense into them, even though I have a weapon in my hand? Can you take me home for a little while? Can you bring a smile? Can you take me home? I wasn't that prepared. Tell the truth, I'm scared of myself. I had to go, I couldn't say no. My country is as mad as my neighbors. We are killing for our wealth, but we just care about our economic health. Sad to say, but you and me, we are no better than our enemy. We just follow the instructions that are leading to destruction, so you see. Did I ever break? I remember when we met, how you saved me from death. You rewrote me from certain death. So I gave a life to you. We're expecting number two. We've reached a point where I can't live without you. I don't know, am I losing? L'artiste montréalais Ian Kelly avec son nouvel album Speak Your Mind. Et ça, c'était la pièce Complicated, précédée de Take Me Home et de Wiser Man. Allez voir Ian Kelly's Music, n'oubliez pas le S, ou encore audiogramme.ca. Il est aussi sur MySpace ou myspace.com, Ian Kelly's Music. C'est du pop alternatif folk. Ça dit qu'il va y avoir un lancement pour son album. C'est au studio JPR de Montréal le 4 septembre à 17h30. Et il y en a un autre à Montréal à Flash. En direct du lancement, ça c'était à 18h30, c'est beau, hein? Sinon, ben, ça dit. Ah, ça, j'aime pas ça, les artistes qui font ça, mais bon. Ça dit, demandez la pièce à Rock Détente. Fait que peut-être que c'est pas pour nous autres, dans le fond, ce genre de musique-là. Mais bon, c'est Montréalais, donc. On l'a passé, on encourage quand même, tu sais. On encourage les artistes bonne locaux. Chance. Ouais, ça, c'est une bonne chance. Ensuite, Ian Kelly, l'album Speak Your Mind. Ah, je l'ai vu à Flash hier, justement. Ah, c'est vrai? Ah, oh, ouais. Ben, j'imagine qu'il va pas y... J'ai les postes, puis je suis tombé sur lui. Flash et postes. Hey, Flash, qui revient pas cet automne, c'est-tu plate, hein? OK, on n'est pas l'automne, là, c'est... Non, mais l'horreur n'est pas commencé à TQS, okay, eux autres. Ils sont en retard à cause Ils ont commencé Lise Graton, pourtant. Ah, c'est vrai. Mais il va y avoir le show, Bill Show, avec Éric Rémy. Ah. À TQS. Éric Rémy, c'est... Je connais pas lui. C'est un inconnu, ça. Ben, il fait une émission de radio à... À CHLN, entre autres. Pour vrai? Bon, ouais, c'est un gars de showbiz, là, mais en tout cas. Bon, allez, ouais. Je sais pas. Je pense que c'est Piquetaine qui flash un peu, là. Un petit peu. Bon, on verra bien. On est-tu là pour parler de TV, nous autres? Non, on est là pour passer de la musique. Ben oui, on parle de TV. Bon, on aime ça pareil, nous autres. On est dans les médias, qu'est-ce que tu veux, ça nous intéresse. Ouais. T'écouteras ça. Donc, on continue. En fait, on termine la deuxième heure pas mal avec la musique de Mike Life, je sais pas comment le prononcer. Corrosif est le nom de son album. C'est du rap. On peut s'imaginer que c'est Mike Life. Je sais pas. On s'en sac aussi. Le nom de sa première pièce est aussi Corrosif. Donc, la voici à l'instant même dans le poste d'écoute parce qu'on découvre les nouveautés musicales, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. on les découvre avec vous, donc... C'est ça. On les aime pas, on n'achète pas le CD. C'est, si Eric Rémy faisait un CD, on le passerait peut-être. Peut-être. Juste peut-être. Ouais, c'est ça. Fiez-vous pas trop là-dessus. Sexy avec des lulus ou des tresses. Je me rappelle de beaucoup d'affection et de tendresse. Sans oublier cette partie qui prend tant de S. EX pour expérience et puis adresse. Mais quand tu pars, je voudrais que tu restes. Mais quand tu restes, moi je te déteste. Quand tu pars, je voudrais que tu restes. Mais quand tu restes, moi je te déteste. J'ai trop souffert, oui j'ai cœur et souffrir. Des photos comme souffrir. Toi c'est tout ce qui me reste. Si contre l'amour il existait une veste, je l'enfilerais illico presto. Poste d'écoute. Tu cherchais l'énergie du but d'être entraîné. cherchais l'énergie d'une putain de centrale électrique. Maintenant chaque moment est venu unique et magique. Bon gars, on n'est pas si méchant que ça. Tu dis nous, on est des jolets. Bon, s'il n'arrive pas notre mollet, t'es comme Gabon des chiens congolais. J'en ai envie, gentil pou. J'aurais catalogué, mais on n'est pas si méchant que ça. L'étiquette qu'on nous a collé, des grosses en mêlée d'un avocat. Omicron, pris d'un bouton, les vêtements aussi. Mais on sait que c'est ton plein gré, chéri. Tout ce qu'on veut, c'est que tes yeux soient pleins d'amour pour nous. Mais tu te mets à genoux, j'ai seulement demandé un rendez-vous. Alors tu me prends par la main et tu me guides d'ailleurs. Ma présence à tes côtés t'a donné la folie des grandeurs. On est des bons gars, car on donne tout ce qu'on a et pour vous on a ce qu'il y a de mieux. On est des bons gars, car on donne tout ce qu'on a, on obtient de vous ce qu'on veut. Ça, c'était très bon, ça. Vraiment bon. Dans la vague hip-hop humoristique depuis quoi, 2 ans que ça roule à peu près? Ouais, c'est ça. On est en train de saturer un petit peu le marché de la musique. Gatineau, Omnicron. Numéro. Numéro, tout ça gagne. Pas que c'est pas bon. Non, c'est très, très bon. Bon, mais ça commence à être un petit peu. C'est redondant, un peu. Les bands pourraient trouver d'autres choses maintenant à faire. C'est ça. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est très bon. Non, exactement. Gaffoul Static vient de sortir. C'est très bon aussi, mais. Je sais pas. Un petit peu d'originalité, ça serait bien, moi, je trouve. Variété. Au moins, lui, il fait pas que ça. On a entendu les premières fois, n'étaient pas tellement humoristiques. Techno, quasiment. C'est l'artiste Mick Life avec son album Corrosif. On a entendu pour commencer la pièce Corrosif, ensuite Unique en mon genre, et puis Bonga featuring Omnicron. C'est ce qu'on vient d'entendre. C'est ce que vous avez remarqué comme son similaire à Omnicron. Ben, c'est peut-être Mike Life, comme s'il pourrait dire My Life, Mike Life. Puis Mike comme un microphone. Ouais, c'est ça, exactement. Tout à fait. C'est bien de préciser. On ne sait pas. Hein? J'aime ça les affaires qui sont comme un jeu de mots, mais qu'ils précisent pas quand ils disent, donc tu peux pas savoir si tu veux, en tout cas. Mike Life, Hardcore Rap Electronica de Montréal, Québec, futur Québec, Canada. Ce que ça dit. Il y a un spectacle le 29 novembre au National à 20h. C'est un petit peu loin pour en parler, mais quand même. Ensuite, le 5 décembre, déjà un party privé prévu à 19h30 à Montréal. Allez voir myspace.com/MikeLife NSC. Mike Life NSC. Ou encore nscrecords.com. C'est l'étiquette qui produit le disque. Nous, ben, c'est la fin de la deuxième heure du poste d'écoute. On va se quitter pour les nouvelles pour les gens qui écoutent le vendredi. Les autres vont voir en exclusivité l'album de Saint Alvia. Leur album s'appelle Between the Lights. On va entendre la pièce pour commencer Walk Before You Run. Allez voir lunechance.com pour tous les renseignements et restez avec nous. On revient dans quelques minutes. Ridiculous though, when you don't stop, I'm about to Bonjour, c'est la troisième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Toujours autant de variétés dans cette émission où on déballe les CD live en direct, en studio. Comme ça, on ouvre des CD, on les met dans des lecteurs CD, puis on les fait jouer en ondes. On sait vraiment ce qui s'en vient. Par contre, ce qu'on sait, c'est la catégorie, donc canadien pour le prochain groupe. C'est Tetrix, un groupe que j'ai pas le choix d'aimer sûrement à cause de leur nom. Tetrix, ça dit Turn On, Tune In, Trip Out, Glow In The Dark. Donc, un CD qui... Est-ce qu'il brille vraiment dans le noir? Je pense que oui. Hey, c'est génial. C'est une belle petite face à l'avant. Très psychédélique, là. On aime ça. Leur site est Tetrix avec un X.ca. On commence avec la pièce Fortune. Tout de suite dans le poste d'écoute au 89.fm, la radio campus de Trois-Rivières. We'll be right back. catches in Uriga and Perseus, and its color, if one may speak of color in connection with such an object, seeing Richard in the galactic band, but I did not think of it. It's hard to believe that there's no blue out there. It's hard to believe that I'm all alone. It's hard to believe that there's no now. Come on, sit down. Come here. And then we'll celebrate. Good morning. We're gonna sing a ride. Let me know. There are handballs. Oh, that's down. We're gonna celebrate. Make a trip, says if a risk you got it. Make a trip, we'll take a risk if you got it. Come on, man, get a lift, let's go. Jux avec la pièce Mystery, précédée de Fortune dans le poste d'écoute. L'album s'appelle Turn On, Tune In, Trip Out. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est l'expérimental psychédélique rock qui vient de Calgary en Alberta. Malheureusement, comme l'émission avance et qu'on a beaucoup de disques, on va passer tout de suite à notre groupe. Mais avant ça, parlons-en un petit peu quand même. Tetrix.ca, myspace.com/Tetrix, C-E-T-R-I-X. Il y a une biographie sur leur MySpace, plusieurs pièces à écouter et quelques-unes, dont Mystery et une pièce live dans une station de radio à télécharger sur leur MySpace. Donc, allez-y, moi j'adore ça. On va passer à la formation Woven Hands. Woven Hand au singulier, pardon. C'est du Visual Experimental. Leur album s'appelle Sounds Familiar SF20, apparemment. Est-ce que c'est bien ça? Dur à dire des fois avec les albums. Hein? Ouais, c'est ça. Sounds Familiar. Alors, première pièce, c'est The Beautiful Axe. Et la voici tout de suite au 89.1 FM. Allez voir lunechance.com pour les liens de tous les artistes d'aujourd'hui et pour télécharger la balado-diffusion chaque semaine. Together hold you to the humble he has given grace, and from the proud he hides his face. From the proud he hides his face. Upon my mind, we fall out into the street as the last one flies, the last one in kind. Poste d'écoute. La formation Woven Ends avec leur album Ten Stones et la pièce Orstel, précédée de The Beautiful Axe. Oui, je dois corriger la chose là. Les informations des fois sont pas super claires sur les albums. C'est la formation Woven Hand et leur album Ten Stones. Ce que je disais tantôt, Sounds Familiar, là, c'est l'étiquette qui édite ce CD ou le sort ou peu importe qu'est-ce qu'ils font avec des artistes. Autre que les abuser. Prochain album qu'on s'en va entendre. Non, avant, parle un petit peu de Woven Hand. Là, je fais les choses n'importe comment, là, ça paraît dessus. Elf Tooth, au Colorado, c'est de là qu'ils viennent. C'est du Visual Experimental. Myspace.com/ Woven Hand. Ou encore soundsfamiliar.com, LYRE à la fin. Là, c'est bizarre. David Eugene Edwards, Pascal Humbert, Ordy Garrison et Peter Van Leeuwenhoven sont les membres de ce groupe. Donc, allez vous renseigner si ça vous intéresse. Le lien est sur le site de l'émission, comme toujours, au www.unechance.com. Prochain album qu'on s'en va entendre, c'est de la formation October Sky. L'album s'appelle Hell Isn't My Home. Et tout de suite, voici The Darkest Light dans votre poste d'écoute au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières et c'est l'émission où on découvre les nouveautés pour la première fois tous ensemble. C'est comme un party de filles. Mais avec plein de gens, puis pas de batteur d'oreiller, puis on parle pas vraiment de maquillage, en fait. Ça ressemble pas du tout à un party de filles, en fait. Thank you. October Sky avec la pièce Sacrifice de leur tout nouvel album Hell Isn't My Home. C'était précédé de la pièce The Darkest Light ici dans le poste d'écoute. Donc October Sky, un groupe de Montréal. Oh, c'est un groupe de Montréal. C'est bien ça, c'est de l'alternatif progressif rock. OctoberSky.ca, les membres sont Carl Raymond à la guitare et la voix, Alex Racine à la batterie, Yannick Rouleau au clavier et Andrew Walker à la basse. Ils vont être en spectacle le 18 septembre à 21h au Téléphone Rouge de Sherbrooke. Ensuite, ils vont être au National de Montréal le 27 septembre. Ensuite, ils vont passer par Toronto, Burlington, Edmonton, Calgary, Laval, Ottawa, Brentford et Fredericton. Donc, ils font le tour du Canada pour le lancement de leur album d'OctoberSky qui s'appelle Hell Isn't My Home. Et on va passer à un autre groupe canadien. Pourquoi pas, qui s'appelle Modern Boys, Modern Girls. Leur album s'appelle I Might As Well Break It. Et tout de suite, voici My Baby Says Boy, Don't You Ever Go. Dans le poste, écoute. 89.1 FM, Radio Campus de Trois-Rivières. Restez là, en retour, on découvre les nouveaux albums de Raptors et de Sean Hewitt dans le Pause Écoute au 89.1 FM. FM, ça a été là qu'il aurait fallu le dire. Ça a été beau. Don't look down! In a mind that's under, we'll both sail under. I've got to stay under, I've got to stay under. Help me find her, give me a light to find her. Shine a light on her, baby I'm afraid. You're vacant and silent, and I say, don't look down, don't look down, don't look down. I'm walking beside you, don't look down, don't look down. What I need, a lover, a long way under. I've got to stay. poste d'écoute. Modern Boys, Modern Girls avec l'album I Might As Well Break It. Ça, c'était la pièce nommée Leave the Army Loose Completely, précédée de Stay Under et de My Baby Says Boy Don't You Ever Go, ici dans le poste d'écoute. Modern Boy, Modern Girls, wow, c'est super le fun, ça, comme nom de groupe. Je cherche. Mm-hmm. Ah, c'est un groupe de Toronto, un groupe de rock indie pop de Toronto en Ontario. Ils sont en spectacle à Montréal le 18 octobre à 20h au Petit Café Campus avec Polar Eyes, Plagia et Rebel Year. Autre que ça, ils sont en spectacle aussi en Ontario et en Nouvelle-Écosse. C'est Akira Elemani, Brett Milius, Ryan Charkow, Alan Matis, Allison Lee et Nicole Freedom. Allez voir myspace.com/modernboysmoderngirls ou encore modernboysmoderngirls.com. C'est pas mal toutes les informations qu'il y a sur leur MySpace. Pendant, il y a une grosse biographie, vraiment trop longue pour moi d'ailleurs. Donc allez voir lunechance.com si le lien vous intéresse. On continue avec la formation Raptors. Leur album s'appelle aussi Raptors. C'est vrai. Leur première pièce s'appelle Super Chorus. Et la voici à l'instant même. On passe d'écoute. On découvre les nouveautés tous ensemble. Il nous reste qu'une quinzaine de minutes. Come on and bring the noise. Are you wonderful? Oh, can you fix my soul? It's horrible. Twisted. You see my face across the room. You say I've seen you before. I don't think so. Oh baby, I don't think so. It's two. with you. I hope I fall in love with you. I made one mistake, well now it's two. I hope I fall in love with you. Won't lie in many truths. I hope I fall in love with you. I made one mistake, well now it's two. I made one mistake, and now it's two. Le poste d'écoute. Thank you. formation Raptors dans le poste d'écoute avec la pièce Running Away, précédée de Two Break, de la pièce 2 Breaking Out et de la pièce 1 Super Chorus. C'est marqué One Super Chorus, Two Breaking Out. Bravo. Très belle idéologie là-dedans. Raptors, formation de Edmonton en Alberta. Je vais vous laisser aller voir le myspace.com/RaptorsAreScary ou encore leur site web RaptorsAreScary.com. Nous, c'est la fin du poste d'écoute. On se laisse avec une dernière pièce de Raptors ou peu importe quelle chose on va faire. Puis à la semaine prochaine. Bye bye. Je vous aime. Gros bisous. XOXO. Les oreilles. J'embrasse les oreilles. T'aimes ça? Embrasser les oreilles, c'est le fun. En tout cas, bye. Let us know that you are still alive. was standing there without a care, and I said, I got you in my sight. I'll take you down on your last night. So all it takes to understand, I'll take him out, become a man. Okay, slow. To begin, but don't believe the devil when it tells you you can't win.